Une énigme de Contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Une énigme à Coquelin Cadet. Elle est colère, elle est docile. En son jeu plaisant ou cruel, comme le vent, elle est mobile. Et changeante comme le ciel. Elle a des caprices sans nombre. Elle prend toutes les couleurs, tantôt sereine, tantôt sombre, amenant la joie ou les pleurs. C'est un enfant, c'est une femme. Rien n'est plus doux ni plus amer. Vous croyez que je veux parler de vous, madame? Mais non, je parle de la mère. Elle est calme, elle est agitée. C'est la fée au tendre discours. Souvent maudite et rejetée, cherchée et reprise toujours. C'est le démon, c'est la sirène, au teint pâle, à l'œil azuré, qui vous rappelle et vous entraîne au gouffre déjà mesuré. C'est la blessure et le dictame. Rien n'est plus amer ni plus doux. Vous croyez que je veux peindre la mer, madame? Mais non, je veux parler de vous. Fin de Une énigme. Enregistré par Ulrike Denis.